Mathias Sandorf de Jules Verne. Deuxième partie. Chapitre 1. Pesca de Matifou. Quinze ans après les derniers événements qui terminent le prologue de cette histoire, le 24 mai 1882, c'était jour de fête à Raguse, l'une des principales villes des provinces dalmates. La Dalmatie n'est qu'une étroite langue de terre, ménagée entre la partie septentrionale des Alpes dinariques, l'Herzégovine et la mer Adriatique. Il y a là tout juste la place pour une population de 4 à 500 000 âmes, en se serrant un peu. Une belle race, ces dalmates, sobres dans cette contrée aride où l'humus est rare, fiers au milieu des nombreuses vicissitudes politiques qu'elle a subies, hautaine envers l'Autriche à laquelle le traité de Campo Formio l'a annexée depuis 1815, et enfin honnête entre toutes, puisqu'on a pu appeler ce pays, suivant une jolie expression recueillie par M. Hiriart, le pays des portes sans serrure. Quatre cercles partagent la Dalmatie et se subdivisent eux-mêmes en districts. Ce sont les cercles de Zara, de Spalato, de Cataro et de Raguse. C'est à Zara, capitale de la province, que réside le gouverneur général. C'est à Zara que se réunit la Diète, dont quelques membres font partie de la Chambre haute de Vienne. Les temps sont bien changés depuis ce XVIe siècle pendant lequel les Uskoks, Turcs fugitifs, en guerre ouverte avec les musulmans comme avec les chrétiens, avec le sultan comme avec la République de Venise, terrorisaient le fond de cette mer. Mais les Uskoks ont disparu et on n'en retrouve plus de traces que dans la Carniole. L'Adriatique est donc maintenant aussi sûre que n'importe quelle autre partie de la superbe et poétique Méditerranée. Raguse, ou plutôt le petit état de Raguse, a été longtemps républicain, même avant Venise, c'est-à-dire dès le IXe siècle. Ce ne fut qu'en 1808 qu'un décret de Napoléon Ier le réunit l'année suivante au royaume d'Illyrie et en fit un duché pour le maréchal Marmont. Déjà au IXe siècle, les navires ragusins qui couraient toutes les mers du Levant avaient le monopole du commerce avec les infidèles, monopole accordé par le Saint-Siège, ce qui donnait à Raguse une grande importance au milieu de ces petites républiques de l'Europe méridionale. Mais Raguse se distinguait encore par de plus nobles qualités, et la réputation de ses savants, la renommée de ses littérateurs, le goût de ses artistes, lui avait valu le nom d'Athènes slavone. Toutefois, pour les besoins du commerce maritime, il faut un port de bon ancrage, d'eau profonde, qui puisse recevoir les navires de grand tonnage. Or, un tel port manquait à Raguse. Le sien est étroit, embarrassé de roches à fleur d'eau, et il ne peut guère donner accès qu'à de petits caboteurs ou de simples barques de pêche. Très heureusement, à une demi-lieue au nord, au fond de l'une des échancrures de la baie d'Ombla Fumera, un caprice de la nature a formé un de ces ports excellents qui peuvent se prêter à toutes les nécessités de la plus large navigation. C'est Gravosa, le meilleur peut-être de cette côte dalmate. Là, il y a assez d'eau, même pour les bâtiments de guerre. Là, l'emplacement ne manque ni pour les cales de Radoub, ni pour les chantiers de construction. Là, enfin, peuvent faire escale ces grands paquebots dont l'avenir allait doter toutes les mers du globe. Il s'ensuit donc qu'à cette époque, la route de Raguse à Gravosa était devenue un véritable boulevard, planté de beaux arbres, bordé de villas charmantes, fréquenté par la population de la ville où l'on comptait alors de 16 à 17 000 habitants. Or, ce jour-là, vers 4 heures du soir, par un bel avant-dîner de printemps, on eut pu observer que les Ragusins se portaient en grand nombre vers Gravosa. En ce faubourg, ne peut-on appeler ainsi Gravosa, bâti aux portes de la ville, Il y avait une fête locale, avec jeux divers, baraques foraines, musique et danse en plein air, charlatans, acrobates et virtuoses, dont les boniments, les instruments, les chansons, faisaient grand bruit dans les rues et jusque sur les quais du port. Pour un étranger, c'eût été l'occasion d'étudier les divers types de la race slave, mêlés à des bohémiens de toutes sortes. Non seulement ces nomades étaient accourus à la fête pour y exploiter la curiosité des visiteurs, mais les campagnards et les montagnards avaient voulu prendre leur part de ces réjouissances publiques. Les femmes s'y montraient en grand nombre, dames de la ville, paysannes des environs, pêcheuses du littoral. Aux unes, l'habillement, dont on sentait la tendance à se conformer aux dernières modes de l'Europe occidentale. Aux autres, un accoutrement qui variait avec chaque district, au moins par quelques détails. Chemise blanche, brodées aux bras et à la poitrine, houppelande à dessins multicolores, ceinture aux mille clous d'argent, véritable mosaïque où les couleurs s'enchevêtrent comme un tapis de Perse, bonnet blanc sur les cheveux tressés avec ruban de couleur, cette okronga surmontée du voile qui retombe en arrière comme le puscule du turban oriental, jambières et chaussures rattachées aux pieds par des cordons de paille. Et pour accompagner tout cet attifage, des bijoux qui, sous la forme de bracelets, de colliers ou de piécettes d'argent, sont agencés de 100 manières pour l'ornement du cou, des bras, de la poitrine et de la ceinture. Ces bijoux, on les eut retrouvés jusque dans l'ajustement des gens de la campagne, qui ne dédaignent pas non plus la chatoyante lisière de broderie dont se relève le contour de la rétoffe. Mais entre tous ces costumes ragusins que portaient avec grâce même les marins du port, ceux des commissionnaires, corporations privilégiées, étaient de nature à attirer plus spécialement le regard. De véritables orientaux, ces portefaix, avec turbans, vestes, gilets, ceintures, larges pantalons turcs et babouches. Ils n'auraient pas déparé les quais de Galata ou la place de Top Hané à Constantinople. La fête était alors dans toute sa turbulence. Les baraques ne désemplissaient pas, ni sur la place, ni sur les quais. Il y avait d'ailleurs une attraction supplémentaire, bien faite pour entraîner un certain nombre de curieux. C'était la mise à l'eau d'un trabacolo, sorte de bâtiment particulier à l'Adriatique, qui porte deux mâts et deux voiles à boursets, envergués par leurs hautes et basses ralingues. Le lancement devait se faire à 6 heures du soir, et la coque du trabacolo, déjà débarrassée de ses accords, n'attendait plus que l'enlèvement de la clé pour glisser à la mer. Mais jusque-là, les saltimbanques, les musiciens ambulants, les acrobates, allaient rivaliser de talent ou d'adresse pour la plus grande satisfaction du public. C'étaient les musiciens, il faut bien le dire, qui attiraient alors le plus de spectateurs. Parmi eux, les guzlars, ou joueurs de guzla, faisaient les meilleures recettes. En s'accompagnant sur leurs instruments bizarres, ils chantaient d'une voix gutturale les chants de leur pays, et cela valait la peine que l'on s'arrêtât à les écouter. La guzla, dont se servent ces virtuoses de la rue, a plusieurs cordes tendues sur un manche démesuré qu'il racle tout uniment avec un simple boyau. Quant à la voix des chanteurs, les notes ne risquent pas de leur manquer, car ils vont les chercher au moins autant dans leur tête que dans leur poitrine. L'un de ces chanteurs, un grand gaillard, jaune de peau et brun de poil, tenant entre ses genoux son instrument, semblable à un violoncelle qui aurait maigri, mimait par son attitude et ses gestes une canzonette dont voici la traduction presque littérale. Lorsque vibre la chanson de la Zingare, veille bien à la façon dont elle dit sa chanson. Ougar la Zingare. Si tu te tiens loin d'elle, et si le feu de son regard trop tendre sous ses longs cils se voile ainsi, tu peux la voir, tu peux l'entendre. Lorsque vibre la chanson de la Zingare, veille bien à la façon dont elle dit sa chanson. Ougar la Zingare. Après ce premier couplet, le chanteur, sa sébile à la main, vint solliciter des assistants le don de quelques piécettes de cuivre. Mais la recette, paraît-il, fut assez mince, et il retourna à sa place pour essayer d'attendrir son auditoire avec le second couplet de la canzonette. Mais si la Zingare, en chantant, de son grand œil noir te regarde, ton cœur est pris en un instant, et s'il est pris, elle le garde. Lorsque vibre la chanson de la Zingare, veille bien à la façon dont elle dit sa chanson. Ou gare la Zingare. Un homme âgé de 50 à 55 ans écoutait tranquillement le chant des bohémiens. Mais peu sensible à tant de séductions si poétiques, sa bourse était restée fermée jusqu'alors. Il est vrai, ce n'était point la Zingare qui venait de chanter en le regardant de son grand œil noir, mais tout simplement le grand diable qui se faisait son interprète. Il allait donc quitter sa place sans l'avoir payée lorsqu'une jeune fille qui l'accompagnait l'arrêta en disant « Mon père, je n'ai pas d'argent sur moi. Je vous en prie, veuillez donner quelque chose à ce brave homme. » Et voilà comment le guzlar reçut 4 ou 5 kreutzer qu'il n'aurait pas eu sans l'intervention de la jeune fille. Non que son père, qui était fort riche, fût avare au point de refuser de faire l'aumône à un pauvre forain, mais vraisemblablement, il n'était pas de ceux que peuvent émouvoir les misères humaines. Puis, tous deux se dirigèrent à travers la foule vers d'autres baraques non moins bruyantes, tandis que les joueurs de Guzla se dispersaient dans les auberges voisines pour liquider la recette. Aussi n'épargnèrent-ils pas les flacons de Slivovitsa, violente eau-de-vie obtenue par la distillation de la prune et qui passait comme un simple sirop à travers ces gosiers de bohémiens. Cependant, tous ces artistes en plein vent, chanteurs ou saltimbanques, n'obtenaient pas également la faveur du public. Entre les plus délaissés, on pouvait remarquer 2 acrobates qui se démenaient en vain sur une estrade sans spectateurs. Au-dessus de cette estrade pendaient des toiles peinturlurées en assez mauvais état, représentant des animaux féroces, brossés à la détrempe, avec les contours les plus fantaisistes. Lions, chacals, hyènes, tigres, boas, etc., bondissant ou se déroulant au milieu de paysages invraisemblables. En arrière s'arrondissait une petite arène, entourée de vieilles voiles, percées de trop de trous pour que l'œil des indiscrets ne fût pas tenté de s'y appliquer, ce qui devait nuire à la recette. En avant, sur un des piquets mal assujettis, reposait une mauvaise planche, enseigne rudimentaire, qui portait ces 5 mots, grossièrement tracés au charbon. Pesca des Matifou, acrobate français. Au point de vue physique, et sans doute au point de vue moral, ces 2 hommes étaient aussi différents l'un de l'autre que peuvent l'être 2 créatures humaines. Seule leur commune origine avait dû les rapprocher pour courir le monde et combattre le combat de la vie. Tous deux étaient de la Provence. D'où leur venaient ces noms bizarres qui avaient peut-être quelque renommée là-bas dans leur pays lointain? Était-ce de ces 2 points géographiques entre lesquels s'ouvre la baie d'Alger, le cap Matifou et la pointe Pescane? Oui, et en réalité, ces noms leur allaient parfaitement, comme celui d'Atlas à quelques géants de lutte foraine. Le cap Matifou, c'est un mamelon énorme, puissant, inébranlable, qui se dresse à l'extrémité nord-est de la vaste rade d'Alger, comme pour défier les éléments déchaînés et mériter le vers célèbre « Sa masse indestructible a fatigué le temps ». Or, tel était l'athlète Matifou, un Alcide, un Porthos, un rival heureux des Omdraï, des Nicolas Crest et autres célèbres lutteurs qui illustrent les arènes du Midi. Cet athlète, il faut le voir pour le croire, dirait-on de lui, avait près de 6 pieds de haut, la tête volumineuse, les épaules à proportion, la poitrine comme un soufflet de forge, les jambes comme des baliveaux de 12 ans, les bras comme des bielles de machine, les mains comme des cisailles. C'était la vigueur humaine dans toute sa splendeur, et peut-être s'il avait connu son âge, aurait-on appris, non sans surprise, qu'il entrait à peine dans sa 22e année. Chez cet être, d'intelligence médiocre sans doute, le cœur était bon, le caractère simple et doux. Il n'avait ni haine, ni colère. Il n'aurait fait de mal à personne. À peine osait-il serrer la main qu'on lui tendait, tant il craignait de l'écraser dans la sienne. Au fond de sa nature si puissante, rien du tigre dont il avait la force. Aussi, sur un mot, sur un geste de son compagnon, obéissait-il comme si quelque caprice du Créateur en eût fait l'énorme fils de ce gringalet. Par contraste, à l'extrémité ouest de la baie d'Alger, la pointe Pescade, opposée au cap Matifou, est mince, effilée, une fine langue rocheuse qui se prolonge en mer. De là le nom de Pescade, donné à ce garçon de 20 ans, petit, fluet, maigre, ne pesant pas en livres le quart de ce que l'autre pesait en kilos, mais souple, agile de corps, intelligent d'esprit, d'une humeur inaltérable dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, philosophe à sa façon, inventif et pratique, un vrai singe mais sans méchanceté, et indissolublement lié par le sort au bon gros pachyderme qu'il conduisait à travers tous les hasards d'une vie de saltimbanque. Tous deux étaient acrobates de leur métier et couraient les foires. Matifou, ou Cap Matifou, on le nommait ainsi, luttait dans les arènes, faisait tous les exercices de force, pliait des barres de fer sur son cubitus, enlevait à bras tendus les plus lourds de la société, jonglait avec son jeune compagnon comme il eût fait d'une bille de billard. Pescade, ou pointe Pescade, comme on l'appelait communément, paradait, chantait, bouffonnait, amusait le public par ses saillies de pitre jamais à court, et l'étonnait par ses tours d'équilibriste dont il se tirait adroitement quand il ne l'émerveillait pas par ses tours de cartes dans lesquelles il en eût remontré au plus habile prestidigitateur, se chargeant de gagner les plus malins à n'importe quel jeu de calcul ou de hasard. « J'ai passé mon baccalauréat, » répétait-il volontiers. « Mais pourquoi, me direz-vous ? » Une locution familière de Pointe-Pescade. « Pourquoi ce jour-là, sur le quai de Gravosa, ces deux pauvres diables se voyaient-ils abandonner des spectateurs au profit des autres baraques ? Pourquoi la maigre recette dont ils avaient tant besoin menaçait-elle de leur manquer ? C'était vraiment inexplicable. Cependant, leur langage, un agréable mélange de provençal et d'italien, était plus que suffisant à les faire comprendre d'un public dalmate. Depuis leur départ du pays provençal, sans parents qu'ils ne s'étaient jamais connus, véritable produit d'une génération spontanée, ils étaient parvenus à se tirer d'affaires, recherchant les marchés et les foires, vivant plutôt mal que bien, mais vivant. Et s'ils ne déjeunaient pas tous les jours, soupant à peu près tous les soirs. Ce qui suffisait, car ainsi que le répétait Pointe-Pescade, il ne faut pas demander l'impossible. Et pourtant ce jour-là, si le brave garçon ne le demandait pas, il le tentait du moins, en essayant d'attirer quelques douzaines de spectateurs devant ses tréteaux, avec l'espoir qu'il se déciderait à visiter sa misérable arène. Mais ni ses boniments, dont son accent étranger faisait une plaisante chose, ni ses coq-à-l'âne, qui eussent fait la fortune d'un vaudevilliste, ni ses grimaces, qui eussent déridé un saint de pierre dans la niche d'une cathédrale, ni ses contorsions et déhanchements, véritables prodiges de dislocation, ni le jeu de sa perruque de chien-dent, dont la queue en salsifie balayait l'étoffe rouge de son pourpoint, ni ses saillies, dignes du Pulcinello de Rome ou du Stentarello de Florence, n'avaient d'action sur le public. Et cependant, ce public slave, son compagnon et lui le pratiquaient depuis plusieurs mois. Après avoir quitté la Provence, les deux amis s'étaient lancés à travers les Alpes-Maritimes, le Milanais, la Lombardie, la Vénétie, montés, on pourrait le dire, l'un sur l'autre, Cap Matifou célèbre par sa force, Pointe-Pescade célèbre par son agilité. Leur renommée les avait poussés jusqu'à Trieste, en pleine Illyrie. De Trieste, en suivant l'Istrie, ils étaient descendus sur la côte dalmate, à Zara, à Salone, à Raguse, trouvant plus de profit à toujours aller devant eux qu'à revenir en arrière. En arrière, ils étaient usés. En avant, ils apportaient un répertoire neuf, d'où sortiraient peut-être quelques recettes. Maintenant, hélas, ils ne le voyaient que trop, la tournée, qui n'avait jamais été très bonne, menaçait de devenir très mauvaise. Aussi, ces pauvres diables n'avaient-ils plus qu'un désir, qu'ils ne savaient comment réaliser. C'était de se rapatrier, de revoir la Provence, de ne plus s'aventurer si loin de leur pays natal. Mais ils traînaient un boulet, le boulet de la misère, et de faire plusieurs centaines de lieues avec ce boulet au pied, c'était dur. Cependant, avant de songer à l'avenir, il fallait songer au présent, c'est-à-dire au souper du soir, qui n'était rien moins qu'assuré. Il n'y avait pas un Kreutzer dans la caisse, si l'on peut donner ce nom prétentieux au coin de foulard dans lequel Pointe Pescade enfermait habituellement la fortune des deux associés. En vin s'escrimait-il sur ses tréteaux, en vin lançait-il des appels désespérés à travers l'espace, en vin Cap Matifou exhibait-il des biceps dont les veines saillaient comme les ramifications d'un lierre autour d'un tronc noueux. Aucun spectateur ne manifestait la pensée d'entrer dans l'enceinte de toile. « Dur à la détente, ces dalmates, » disait Pointe Pescade. « Des pavés, » répétait Cap Matifou. « Décidément, je crois que nous aurons quelque peine à étreiner aujourd'hui. Vois-tu, Cap Matifou, il faudra plier bagage. » « Pour aller où ?» demanda le géant. « Tu es bien curieux, » répondit Pointe Pescade. « Dis toujours ?» Eh bien, que penserais-tu d'un pays où on serait à peu près sûr de manger une fois par jour? Quel est ce pays-là, Pointe Pescade? Ah, c'est loin, bien loin, très loin, et même plus loin que très loin, Cap Matifou. Au bout de la terre? La terre n'a pas de bout, répondit sentencieusement Pointe Pescade. Si elle avait un bout, elle ne serait pas ronde. Et si elle n'était pas ronde, elle ne tournerait pas. Si elle ne tournait pas, elle serait immobile. « Et si elle était immobile ?»« Eh bien ?» demanda Cap Matifou. « Eh bien, elle tomberait sur le soleil, en moins de temps qu'il ne m'en faut pour escamoter un lapin. »« Et alors ?»« Et alors il arriverait ce qui arrive à un jongleur maladroit, quand deux de ses boules se rencontrent en l'air. Crac ! Tout casse, tout tombe, et le public siffle, et il redemande son argent, et il faut le lui rendre. Et ce soir, on ne soupe pas. » « Ainsi ?» demanda Cap Matifou. « Si la terre tombait sur le soleil, nous ne souperions pas. » Et Cap Matifou s'enfonçait jusqu'en ses perspectives infinies. Assis dans un coin de l'estrade, les bras croisés sur son maillot, il remuait la tête comme un chinois de porcelaine. Il ne disait plus rien. Il ne voyait plus rien. Il n'entendait plus rien. Il s'absorbait dans la plus inintelligible association d'idées. Tout se mêlait en sa grosse caboche. Et voilà qu'il sentit au plus profond de son être se creuser comme un gouffre. Alors il lui sembla qu'il montait haut, très haut, plus haut que très haut. Cette expression de Pointe Pescade, appliquée à l'éloignement des choses, l'avait vivement frappé. Puis, tout à coup, on le lâchait et il tombait dans son propre estomac, c'est-à-dire dans le vide. Ce fut un véritable cauchemar. Le pauvre être se releva de son escabeau, les mains étendues, en aveugle. Un peu plus, il se fut laissé choir du haut de l'estrade. « Hé, Cap Matifou, qu'est-ce qui te prend donc ?» s'écria Pointe Pescade, qui saisit son camarade par la main et parvint non sans peine à le ramener en arrière. « Moi ? Moi ? Ce que j'ai ? Oui, toi ? J'ai... » dit Cap Matifou en reprenant peu à peu ses idées. Opération difficile, quoique le nombre n'en fût pas considérable. « J'ai... Il faut que je te parle, Pointe Pescade. »« Parle donc, mon cap, et ne crains pas que l'on t'entende. Évanouis le public, évanouis. » Cap Matifou s'assit sur son escabeau, et de son vigoureux bras, mais doucement, comme s'il eut peur de le casser, il attira son brave petit compagnon près de lui. Chapitre 2. Le lancement du Trabacolo. Ainsi, ça ne va pas ? Demanda Cap Matifou. Qu'est-ce qui ne va pas ? Répondit Pointe Pescade. Les affaires. Elles pourraient aller mieux, c'est incontestable, mais elles pourraient aller plus mal. Pescade. Oui, Matifou. Ne m'en veux pas de ce que je vais te dire. Je t'en voudrais, au contraire, si cela mérite que je t'en veuille. Eh bien, tu devrais me quitter. Qu'entends-tu par te quitter ? Te laisser en plan ? Demanda Pointe Pescade. Oui. Continue, Hercule de mes rêves, tu m'intéresses. Oui, je suis sûre qu'étant seule, tu t'en tirerais. Je te gêne, et sans moi, tu trouverais moyen de... Dis donc, Cap Matifou, répondit gravement Point de Pescade. Tu es gros, n'est-ce pas? Oui. Et grand? Oui. Eh bien, si grand et si gros que tu sois, je ne sais pas comment tu as pu contenir la bêtise que tu viens de dire. Et pourquoi, Point de Pescade? Parce qu'elle est encore plus grande et plus grosse que toi, Cap Matifou. Moi, t'abandonner? Bête de mon cœur. Mais si je n'étais plus là, je te le demande, avec quoi jonglerais-tu? Avec quoi? Oui, qui aurais-tu pour faire le saut périlleux sur ton occiput? Je ne dis pas. Ou le grand écart entre tes deux mains? Dame, répondit Cap Matifou, embarrassé devant des questions aussi pressantes. Oui, en présence d'un public en délire, quand, par hasard, il y a un public. Un public, murmura Cap Matifou. Donc, reprit Pescade, tais-toi et ne songeons qu'à gagner ce qu'il faut pour souper ce soir. Mais je n'ai pas faim. Oh, tu as toujours faim, Cap Matifou. Donc maintenant tu as faim, répondit Point de Pescade en entr'ouvrant à deux mains l'énorme mâchoire de son compagnon qui n'avait pas eu besoin de dents de sagesse pour avoir ses 32 dents. Je vois cela à tes canines, longues comme des crocs de bouledogue. Tu as faim, te dis-je, et quand nous ne devrions gagner qu'un demi-florin, qu'un quart de florin, tu mangeras. Mais toi, mon petit Pescade, moi, un grain de mil me suffit. Je n'ai pas besoin d'être fort, tandis que toi, mon fils, suis bien mon raisonnement. Plus tu manges, plus tu engraisses. Plus tu engraisses, plus tu deviens phénomène. Phénomène, oui. Moi, au contraire, moi je mange, plus je maigris, et plus je maigris, plus je deviens phénomène à mon tour. Est-ce vrai? C'est vrai, répondit Cap Matifou, le plus naïvement du monde. Ainsi, dans mon intérêt, Point de Pescade, il faut que je mange. Comme tu le dis, mon gros chien, et dans le mien, il faut que je ne mange pas. En sorte que s'il n'y en avait que pour un, ce serait pour toi. Et s'il y en avait pour deux, ce serait pour toi encore. Que diable, Cap Matifou, tu vaux bien deux hommes. Quatre, six, dix, s'écria l'Hercule, dont dix hommes, en effet, n'auraient point eu raison. Et laissant de côté l'emphatique exagération commune aux athlètes du monde ancien et moderne, la vérité est que Cap Matifou l'avait emporté sur tous les lutteurs qui s'étaient mesurés avec lui. On citait de lui ces deux traits qui prouvent sa force véritablement prodigieuse. Un soir, à Nîmes, dans un cirque, construit en bois, une des poutres qui soutenait les fermes de la charpente vint à céder. Un craquement jeta l'épouvante parmi les spectateurs, menacés d'être écrasés par la chute du toit ou de s'écraser eux-mêmes en cherchant à sortir par les couloirs. Mais Cap Matifou était là. Il fit un bond vers la poutre déjà hors d'aplomb, et au moment où la charpente fléchissait, il la soutint de ses robustes épaules pendant tout le temps qui fut nécessaire à l'évacuation de la salle. Puis, d'un autre bond, il se précipita au dehors au moment où la toiture s'écroulait derrière lui. Cela, c'était pour la force des épaules. Voici maintenant pour la force des bras. Un jour, dans les plaines de la Camargue, un taureau pris de fureur s'échappa de l'enclos où il était parqué, poursuivi, blessa plusieurs personnes et eut causé de plus grands malheurs sans l'intervention de Cap Matifou. Cap Matifou courut sur l'animal, l'attendit de pied ferme. Puis, au moment où il se précipitait, tête baissée sur lui, il le saisit par les cornes, le renversa d'un coup de biceps et le maintint, les quatre sabots en l'air, jusqu'à ce qu'il eût été maîtrisé et mis hors d'état de nuire. De cette force surhumaine, on aurait pu rapporter d'autres preuves. Celles-ci suffisent à faire comprendre non seulement la vigueur de Cap Matifou, mais aussi son courage et son dévouement, puisqu'il n'hésitait jamais à risquer sa vie lorsqu'il s'agissait de venir en aide à ses semblables. C'était donc un être bon, autant que fort. Toutefois, pour ne rien perdre de ses forces, comme le répétait Point de Pescade, il fallait qu'il mangeât, et son compagnon l'obligeait à manger, se privant pour lui quand il n'y en avait que pour un et même pour deux. Cependant, ce soir-là, le souper, même pour un, n'apparaissait pas encore à l'horizon. « Il y a des brumes, » répétait Pointe-Pescade. Et pour les dissiper, ce brave cœur reprit gaiement son boniment et ses grimaces. Il arpentait les tréteaux, il se démenait, il se disloquait, il marchait sur les mains quand il ne marchait pas sur les pieds, ayant observé qu'on avait moins faim, la tête en bas. Il redisait, dans un jargon moitié provençal, moitié slave, ces éternelles plaisanteries de parade qui seront en usage tant qu'il y aura un pitre pour les lancer à la foule et des badauds pour les entendre. « Entrez, messieurs, entrez !» criait Pointe-Pescade. « On ne paie qu'en sortant, la bagatelle d'un kreutzer !» Mais pour sortir, il fallait d'abord entrer, et des 5 ou 6 personnes arrêtées devant l'étoile peinte, aucune ne se décidait à pénétrer dans la petite arène. Alors, Pointe-Pescade, d'une baguette frémissante, montrait les animaux féroces brossés sur l'étoile. Non pas qu'il eût une ménagerie à offrir au public, mais ces bêtes terribles, elles existaient en quelques coins de l'Afrique ou des Indes, et si jamais Cap Matifou les rencontrait sur son chemin, Cap Matifou n'en ferait qu'une bouchée. Et alors, en avant tout le boniment habituel, dont l'Hercule interrompait les phrases par des coups de grosses caisses qui éclataient comme des coups de canon. « La hyène, messieurs, oui, et la hyène, originaire du Cap de Bonne-Espérance, animal agile et sanguinaire, franchit les murs de cimetière dont il fait sa proie. Puis, sur l'autre côté de la toile, dans une eau jaune, au milieu d'herbes bleues, « Voyez, voyez, le jeune et intéressant rhinocéros, âgé de 15 mois, il fut élevé à Sumatra, dont il menaçait de faire échouer le navire pendant la traversée avec sa corne redoutable. Puis, au premier plan, au milieu d'un tas verdâtre, des ossements de ses victimes. « Voyez, messieurs, voyez, le terrible lion de l'Atlas habite l'intérieur du Sahara, dans les sables brûlants du désert. Au moment de la chaleur est-tropicale, se réfugie dans les cavernes. S'il trouve quelques gouttes d'eau, s'y précipite, en sort tout dégoûtant. C'est pourquoi on l'a nommé le lion humide. » Mais tant d'attractions risquaient d'être perdues. Pointe-Pescade s'époumonait en vain. En vain Cap Matifou tapait à défoncer la grosse caisse. C'était désespérant. Cependant, plusieurs dalmates, de vigoureux montagnards, venaient enfin de s'arrêter devant l'athlète Matifou, qu'il semblait examiner en connaisseur. Aussitôt Pointe-Pescade de saisir le joint, en provoquant ses braves gens à se mesurer avec lui. « Entrez, messieurs, entrez, c'est l'instant, c'est le moment. Grande lutte d'hommes, lutte à main plate, les épaules doivent toucher. Cap Matifou s'engage à tomber, les amateurs qui voudront bien l'honorer de leur confiance. Un maillot en coton d'honneur à qui le vaincra. Est-ce vous, messieurs ? Ajouta Pointe-Pescade en s'adressant à 3 solides gaillards qui le regardaient tout ébahis. Mais les solides gaillards ne jugèrent pas à propos de compromettre leur solidité dans cette lutte, si honorable qu'elle pût être pour les 2 adversaires. Pointe-Pescade en fut donc réduit à annoncer que, faute d'amateurs, le combat aurait lieu entre Cap Matifou et lui. Oui, l'adresse se mesurant avec la force. « entrez donc, suivez le monde !» répétait en s'époumonant le pauvre Pescade. « Vous verrez là ce que vous n'avez jamais vu. Pointe-Pescade et Cap Matifou aux prises. Les 2 jumeaux de la Provence. Oui, 2 jumeaux, mais pas du même âge, ni de la même mère. Hein, comme nous nous ressemblons, moi surtout. » Un jeune homme s'était arrêté devant les tréteaux. Il écoutait gravement ses plaisanteries, usées jusqu'à la corde. Ce jeune homme, âgé de 22 ans au plus, était d'une taille au-dessus de la moyenne. Ses jolis traits, un peu fatigués par le travail, sa physionomie, empreinte d'une certaine sévérité, dénotaient une nature pensive, peut-être élevée à l'école de la souffrance. Ses grands yeux noirs, sa barbe qu'il portait entière et tenait de court, sa bouche, peu habituée à sourire, mais nettement dessinée sous une fine moustache, indiquait à ne point s'y méprendre une origine hongroise dans laquelle dominait le sang magyar. Il était simplement vêtu du costume moderne, sans prétention à se conformer aux dernières modes. son attitude ne pouvait tromper. Dans ce jeune homme, il y avait déjà un homme. Il écoutait, on l'a dit, les boniments inutiles de Pointe-Pescade. Il le regardait, non sans quelque attendrissement, se démener sur son estrade. Ayant souffert lui-même, sans doute, il ne pouvait être indifférent aux souffrances d'autrui. « Ce sont deux Français, se dit-il. Pauvre diable, ils ne font pas recette aujourd'hui. » Et alors l'idée lui vint de leur constituer à lui seul un public payant. Ce ne serait guère qu'une aumône, mais du moins une aumône déguisée, et il est probable qu'elle arriverait à la porte, c'est-à-dire vers le morceau de toile qui, en se relevant, donnait accès dans la petite enceinte. « Entrez, monsieur, entrez !» cria Pointe-Pescade. « On commence à l'instant. » « Mais je suis seul, » fit observer le jeune homme du ton le plus bienveillant. « Monsieur, » répondit Pointe-Pescade avec une fierté quelque peu gouailleuse, « de vrais artistes tiennent plus à la qualité qu'à la quantité de leur public. »« Cependant, vous me permettrez bien, » reprit le jeune homme en tirant sa bourse, et il prit deux florins qu'il déposa dans l'assiette d'étain, placée sur un coin de l'estrade. « Un brave cœur, » se dit Pointe-Pescade. Puis se retournant vers son compagnon. « À la rescousse, Cap Matifou, à la rescousse, nous lui en donnerons pour son argent. » Mais voici qu'au moment d'entrer, l'unique spectateur de la reine française et provençale se recula précipitamment. Il venait d'apercevoir cette jeune fille, accompagnée de son père, qui s'était arrêtée un quart d'heure avant devant l'orchestre des chanteurs Guzlar. Ce jeune homme et cette jeune fille, sans le savoir, s'étaient rencontrés dans la même pensée pour accomplir un acte charitable. L'une avait fait l'aumône aux bohémiens, l'autre venait de la faire aux acrobates. Mais sans doute cette rencontre ne lui suffisait pas, car le jeune homme, dès qu'il eut aperçu cette jeune personne, oublia sa qualité de spectateur, le prix dont il avait payé sa place, et s'élança du côté où elle se perdait au milieu de la foule. « Hé, monsieur, monsieur !» s'écria Pointe-Pescade, « Votre argent, nous ne l'avons pas gagné, que diable ! Mais où est-il ? Disparu. Hé, monsieur ! » Mais il cherchait en vain à apercevoir son public, qui s'était éclipsé. Puis il regardait Cap Matifou, non moins interloqué que lui, la bouche démesurément ouverte. « À l'instant où nous allions commencer, » dit enfin le géant. « Décidément, pas de chance. » « Commençons tout de même, » répondit Pointe-Pescade en descendant le petit escalier qui conduisait à l'arène. De cette façon, du moins, en jouant devant les banquettes, il n'y en avait même pas, ils auraient gagné leur argent. Mais en ce moment, un gros brouhaha s'éleva sur les quais du port. La foule parut s'agiter dans un mouvement d'ensemble très prononcé qui la portait du côté de la mer, et ces mots se firent entendre, répétés par quelques centaines de voix. « Le trabacolo ! Le trabacolo !» C'était l'heure, en effet, à laquelle devait être lancé le petit bâtiment. Ce spectacle, toujours attrayant, était de nature à exciter la curiosité publique. Aussi, la place et les quais que la foule encombrait furent-ils bientôt abandonnés pour le chantier de construction dans lequel devait se faire l'opération du lancement. Pointe-Pescade et Cap Matifou comprirent qu'il n'y avait plus à compter sur le public, en ce moment du moins. Aussi, désireux de retrouver l'unique spectateur qui avait failli emplir leur arène, ils la quittèrent sans même prendre le soin d'enfermer la porte. Et pourquoi l'auraient-ils fermée? Puis, ils se dirigèrent vers le chantier. Le chantier se trouvait placé à l'extrémité d'une pointe, en dehors du port de Gravosa, sur un terrain déclive que le ressac frangeait d'une légère écume. Pointe-Pescade et son compagnon, après avoir joué des coudes, parvinrent à se trouver placés au premier rang des spectateurs. Jamais, même dans les soirées à bénéfice, il n'y avait eu pareil empressement devant leur tréteau. Oh, dégénérescence de l'art ! Le trabacolo, délivré déjà des accords qui lui soutenaient les flancs, était prêt à être lancé. L'ancre se trouvait à poste. Il suffirait de la laisser tomber dès que la coque serait à l'eau, pour arrêter son air, qui eût pu l'entraîner trop loin dans le chanal. Bien que ce trabacolo ne jaugeât qu'une cinquantaine de tonneaux, c'était une masse assez considérable encore pour que toutes les précautions eussent été soigneusement prises dans cette opération. Deux ouvriers du chantier se tenaient sur son pont, à l'arrière, près du bâton de poupe, à l'extrémité duquel battait le pavillon dalmate, et deux autres à l'avant, préposés à la manœuvre de l'ancre. C'était par l'arrière, ainsi que cela se fait dans les opérations de ce genre, que devait être lancé le trabacolo. Son talon, reposant sur la coulisse savonnée, n'était plus retenu que par la clé. Il suffirait d'enlever cette clé pour que le glissement commençât à se produire. Puis, la vitesse s'accroissant par la masse mise en mouvement, le petit navire s'en irait de lui-même dans son élément naturel. Déjà une demi-douzaine de charpentiers armés de masses en fer frappaient sur les coins introduits à l'avant sous la quille du trabacolo, afin de le soulever quelque peu, de manière à déterminer l'ébranlement qui l'entraînerait vers la mer. Chacun suivait cette opération avec le plus vif intérêt, au milieu du silence général. En ce moment, au détour de la pointe qui couvre vers le sud le port de Gravosa, apparut un yacht de plaisance. C'était une goélette, jaugeant environ 350 tonneaux. Elle essayait d'enlever, à l'aborder, cette pointe du chantier de construction afin d'ouvrir l'entrée du port. Comme la brise venait du nord-ouest, elle serrait le vent, les armures à bâbord, de manière à n'avoir plus qu'à laisser arriver pour atteindre son poste de mouillage. Avant 10 minutes, elle serait rendue et grossissait rapidement aux yeux, comme si on l'eût regardée avec une lunette dont le tube se fût allongé par un mouvement continu. Or, précisément pour entrer dans le port, il fallait que cette goélette passât devant le chantier où se préparait le lancement du trabacolo. Aussi, dès qu'elle fut signalée, afin d'éviter tout accident, parut-il bon de suspendre l'opération. On ne la reprendrait qu'après son passage dans le chenal. Un abordage entre ces deux navires, l'un se présentant par le travers, l'autre l'abordant à grande vitesse, eût certainement causé quelque grave catastrophe à bord du yacht. Les ouvriers cessèrent donc d'attaquer les coins à coups de masse, et l'ouvrier chargé d'enlever la clé reçut l'ordre d'attendre. Ce n'était plus l'affaire que de quelques minutes. Cependant, la goélette arrivait rapidement. On pouvait même observer qu'elle commençait ses préparatifs de mouillage. Ses deux flèches venaient d'être amenées et on avait relevé le point d'armure de sa grande voile en même temps que l'on carguait sa misaine. Mais la rapidité qui l'animait était grande encore sous sa trinquette et son deuxième foc en vertu de la vitesse acquise. Tous les regards se portaient sur ce gracieux bâtiment dont les toiles blanches étaient comme dorées par les obliques rayons du soleil. Les matelots, en uniforme levantin, avec le bonnet rouge sur la tête, couraient aux manœuvres, tandis que le capitaine, posté à l'arrière, près de l'homme de barre, donnait ses ordres d'une voix calme. Bientôt, la goélette, à laquelle il ne restait que juste ce qu'il fallait de border pour enlever la dernière pointe du port, se trouva par le travers du chantier de construction. Soudain, un cri de terreur s'éleva. Le trabacolo venait de s'ébranler. Pour une raison ou pour une autre, la clé avait manqué et il se mettait en mouvement au moment même où le yacht commençait à lui présenter sa joue de tribord. La collision allait donc se produire entre les deux bâtiments. Il n'y avait plus ni le temps ni le moyen de l'empêcher. Aucune manœuvre à faire. Au cri des spectateurs avait répondu un cri d'épouvante que poussait l'équipage de la goélette. Le capitaine, conservant son sang-froid, fit cependant mettre la barre dessous, mais il était impossible que son navire s'écartât assez vite ou passât assez rapidement dans le chenal pour éviter le choc. En effet, le trabacolo avait glissé sur sa coulisse. Une fumée blanche, développée par le frottement, tourbillonnait à son avant et son arrière plongeait déjà dans les eaux de la baie. Tout à coup, un homme s'élance. Il saisit une amarre qui pend à l'avant du trabacolo. Mais en vain veut-il la retenir en s'arc-boutant contre le sol, au risque d'être entraîné. Un canon de fer, qui sert de pieu d'attache, est là, fiché en terre. En un instant, la mare y est tournée et se déroule peu à peu, pendant que l'homme, au risque d'être saisi et broyé, la retient et résiste avec une force surhumaine. Cela dura 10 secondes. Alors la mare casse, mais ces 10 secondes ont suffi. Le trabacolo a plongé dans les eaux de la baie et s'est relevé comme dans un coup de tangage. Il a filé vers le chanal, rasant à moins d'un pied l'arrière de la goélette, et y court jusqu'au moment où son ancre, tombant dans le fond, l'arrête par la tension de sa chaîne. La goélette était sauvée. Quant à cet homme, auquel personne n'avait eu le temps de venir en aide, tant cette manœuvre avait été inattendue et rapide, c'était Cap Matifou. « Ah bien, très bien !» s'écria Pointe-Pescade en courant vers son camarade, qui l'enleva dans ses bras, non pour jongler avec lui, mais pour l'embrasser comme il embrassait, à l'étouffer. Et alors les applaudissements d'éclater de toutes parts, et toute la foule de s'empresser autour de cet Hercule, non moins modeste que l'auteur fameux des 12 travaux de la fable, et qui ne comprenait rien à cet enthousiasme du public. 5 minutes plus tard, la goélette avait pris son mouillage au milieu du port. Puis, une élégante baleinière à 6 avirons déposait sur le quai le propriétaire de ce yacht. C'était un homme de haute taille, âgé de 50 ans, les cheveux presque blancs, barbe grisonnante taillée à l'orientale. De grands yeux noirs interrogateurs, d'une vivacité singulière, animaient sa figure un peu hâlée, aux traits réguliers et belle encore. Ce qui frappait surtout, de prime abord, c'était l'air de noblesse, de grandeur même, qui se dégageait de toute sa personne. Son vêtement de bord, un pantalon bleu foncé, un veston de même couleur à boutons métalliques, une ceinture noire qui le serrait à la taille sous le veston, son léger chapeau de toile brune, tout cela lui allait bien et laissait deviner un corps vigoureux, d'une conformation superbe, que l'âge n'avait pas encore altéré. Dès que ce personnage, dans lequel on sentait un homme énergique et puissant, eut mis pied à terre, il se dirigea vers les 2 acrobates que la foule entourait et acclamait. On se rangea pour lui laisser passage. À peine arrivé près de Cap Matifou, son premier geste ne fut point pour chercher sa bourse et en tirer quelque riche aumône. Non, il tendit la main au géant et lui dit en langue italienne. « Merci, mon ami, pour ce que vous avez fait là. » Cap Matifou était tout honteux de tant d'honneur, pour si peu de choses, vraiment. « Oui, c'est bien, c'est superbe, Cap Matifou, » reprit Pointe-Pescade avec toute la redondance de son jargon provençal. « Vous êtes français ?» demanda l'étranger. « Tout ce qu'il y a de plus français, » répondit Pointe-Pescade, non sans fierté. « Français du midi de la France. » L'étranger les regardait avec une véritable sympathie, mêlée de quelque émotion. Leur misère était trop apparente pour qu'il pût s'y tromper. Il avait bien devant lui 2 pauvres saltimbanques, dont l'un, au risque de sa vie, venait de lui rendre un grand service, car une collision du trabacolo et de la goélette aurait pu faire de nombreuses victimes. « Venez me voir à bord, » leur dit-il. « Et quand cela, mon prince ?» répondit Pointe-Pescade en esquissant son plus gracieux salut. « Demain matin, à la première heure. » « À la première heure, » répondit Pointe-Pescade, tandis que Cap Matifou donnait son acquiescement tacite en remuant de haut en bas son énorme tête. Cependant, la foule n'avait cessé d'entourer le héros de cette aventure. Sans doute elle l'eût porté en triomphe si son poids n'eût effrayé les plus résolus et les plus solides. Mais Pointe-Pescade, toujours avisé, crut qu'il y avait lieu d'utiliser les bonnes dispositions d'un pareil public. Aussi, tandis que l'étranger, après un dernier geste d'amitié, se dirigeait vers le quai, il cria de sa voix joyeuse et attirante « La lutte, messieurs, la lutte entre le Cap Matifou et la Pointe-Pescade. Entrez, messieurs, entrez, on ne paye qu'en sortant, ou en entrant, comme on veut. » Cette fois, il fut écouté et suivi d'un public tel qu'il n'en avait peut-être jamais vu. Ce jour-là, l'enceinte fut trop petite. On refusa du monde. On rendit de l'argent. Quant à l'étranger, à peine avait-il fait quelques pas dans la direction du quai, qu'il se trouva en présence de cette jeune fille et de son père, lesquels avaient assisté à toute cette scène. À quelque distance se tenait le jeune homme qui les avait suivis, et au salut duquel le père ne répondit que d'une façon hautaine, ce dont l'étranger eut le temps de s'apercevoir. Celui-ci, en présence de cet homme, eut un mouvement qu'il put à peine réprimer. Ce fut comme une répulsion de toute sa personne, tandis que son regard s'allumait d'un éclair. Cependant, le père de la jeune fille s'était approché de lui, et fort poliment, il lui disait « Vous venez, monsieur, d'échapper à un grand danger, grâce au courage de cet acrobate. »« En effet, monsieur, » répondit l'étranger, dont la voix, volontairement ou non, fut altérée par une invincible émotion. Puis, s'adressant à son interlocuteur, « Pourrais-je vous demander, monsieur, à qui j'ai l'honneur de parler en ce moment ?»« À monsieur Silas Torontal de Raguse, » répondit l'ancien banquier de Trieste. « Et puis-je savoir, à mon tour, quel est le propriétaire de ce yacht de plaisance ?»« Le docteur Antekirt, » répondit l'étranger. Puis, tous deux, après un salut, se séparèrent pendant qu'on entendait les hurrahs et les applaudissements retentir dans l'arène des acrobates français. Et ce soir-là, non seulement Cap Matifou mangea tout son comptant, c'est-à-dire comme quatre, mais il en resta pour un, et ce fut assez pour le souper de son brave petit compagnon, Pointe Pescade.